Sur ces entrefaites, revint l'ambassade qu'on avait envoyée à la Mecque dans des temps plus pieux. Elle était composée des plus révérends moulas. Leur mission était parfaitement remplie et ils apportaient un de ces précieux balais qui avait nettoyé le sacré Kaaba. C'était un présent vraiment digne du plus grand prince de la terre. Le calife se trouvait dans ce moment retenu en un lieu peu convenable pour recevoir des ambassadeurs. Il entendit la voix de Baba Balouk qui criait derrière les portières. « Voici l'excellent Idriss Al-Shafei et le séraphique Mouatedin qui apporte le balai de la Mecque et qui, avec des larmes de joie, désire ardemment de le présenter à votre majesté. »« Qu'emporte ce balai ici ?» dit Vatek. « Il peut y être de quelque utilité. »« Comment ?» répondit Baba Balouk hors de lui. « Obéis !» reprit le calife. « Car c'est ma volonté suprême, c'est ici et nulle autre part, que je veux recevoir ces bonnes gens qui te mettent en extase. » L'eunuque s'en alla en murmurant et dit au vénérable cortège de le suivre. Une sainte joie se répandit parmi ces respectables vieillards, et quoique fatigués de leur long voyage, ils suivirent Baba Balouk avec une agilité qui tenait du miracle. Ils enfilèrent les augustes portiques et trouvaient bien flatteur que le calife ne les reçut pas comme des gens ordinaires dans la salle d'audience. Bientôt ils parvinrent dans l'intérieur du sérail, où à travers de riches portières de soie, ils crurent apercevoir de grands beaux yeux bleus et noirs qui allaient et venaient comme des éclairs. Pénétrés de respect et d'étonnement, et pleins de leur mission céleste, ils s'avançaient en procession vers de petits corridors qui semblaient n'aboutir à rien, et les conduisait à cette petite cellule où le calife les attendait. Le commandeur des fidèles serait-il malade? Disait tout bas Idriss Al-Shafei à son compagnon. Il est sans doute à son oratoire, répondit Al-Mouatedin. Batek, qui entendait ce dialogue, leur cria. Que vous importe où je suis, avancez toujours. Alors il sortit la main à travers la portière et demanda le sacré balai. Chacun se prosterna avec respect, aussi bien que le corridor le permit, et même dans un assez beau demi-cercle. Le respectable Idriss Al-Shafei tira le balai des linges brochés et parfumés qui en défendaient la vue aux yeux du vulgaire, se détacha de ses confrères, et s'avança pompeusement vers le prétendu oratoire. De quelle surprise, de quelle horreur ne fut-il pas saisi? Vatek, avec un rire moqueur, lui ôta le balai qu'il tenait d'une main tremblante, et fixant quelques toiles d'araignée suspendues au plancher azuré, il les balaya et n'en laissa pas une seule. Les vieillards pétrifiés n'osaient pas lever leur barbe dessus la terre. Ils voyaient tout, car Batek avait négligemment tiré le rideau qui les séparait de lui. Leurs larmes mouillaient le marbre. Al-Mouatedin s'évanouit de dépit et de fatigue, pendant que le calife, se laissant aller à la renverse, riait et battait des mains sans miséricorde. « Mon cher Noiro, dit-il enfin à Baba Balouk, va régaler ces bonnes gens de mon vin de Shiraz. Puisqu'ils peuvent se vanter de mieux connaître mon palais que personne, on ne saurait leur faire trop d'honneur. » En disant ces mots, il leur jeta le balai au nez et s'en alla rire avec Karatis. Baba Balouk fit son possible pour consoler le vieillard, mais deux des plus faibles en moururent sur le champ. Les autres, ne voulant plus voir la lumière, se firent porter dans leur lit d'où ils ne sortirent jamais. La nuit suivante, Batek et sa mère montèrent au haut de la tour pour consulter les astres sur le voyage. Les constellations étant dans un aspect des plus favorables, le calife voulut jouir d'un spectacle aussi flatteur. Il soupa gaiement sur la plateforme, encore noircie de l'affreux sacrifice. Pendant leur pas, on entendit de grands éclats de rire qui retentissaient dans l'atmosphère et il en tira le plus favorable augure. Tout était en mouvement dans le palais. Les lumières ne s'éteignaient pas de toute la nuit. Le bruit des enclumes et des marteaux, la voix des femmes et de leurs gardiens qui chantaient en brodant, tout cela interrompait le silence de la nature et plaisait infiniment à Batek, qui croyait déjà monter en triomphe sur le trône de Suleyman. Le peuple n'était pas moins content que lui. Chacun mettait la main à l'œuvre pour hâter le moment qui devait le délivrer de la tyrannie d'un maître si bizarre. Le jour qui précéda le départ de ce prince insensé, Karatis crut devoir lui renouveler ses conseils. Elle ne cessait de répéter les décrets du parchemin mystérieux qu'elle avait appris par cœur et recommandait surtout de n'entrer chez qui que ce fût pendant le voyage. « Je sais bien, lui disait-elle, que tu es friand de bons plats et de jeunes filles, mais contente-toi de tes anciens cuisiniers qui sont les meilleurs du monde, et souviens-toi que dans ton sérail ambulant, il y a pour le moins 3 douzaines de jolis visages auxquels Baba Balouk n'a pas encore levé le voile. Si ma présence n'était pas nécessaire ici, je veillerais moi-même à ta conduite. J'aurais grande envie de voir ce palais souterrain, rempli d'objets intéressants pour les gens de notre espèce. Il n'est rien que j'aime autant que les cavernes. Mon goût pour les cadavres et les momies est décidé, et je gage que tu trouveras la quintessence de ce genre. Ne m'oublie donc pas, et dès le moment que tu seras en possession de talismans qui doivent te donner le royaume des métaux parfaits, et t'ouvrir le centre de la terre, ne manque pas d'envoyer ici quelques génies de confiance pour me prendre avec mon cabinet. L'huile de ces serpents que j'ai pincés jusqu'à la mort sera un fort joli présent pour notre Djaour, qui doit aimer ces sortes de friandises. » Lorsque Karatis eut fini ce beau discours, le soleil se coucha derrière la montagne aux quatre sources et fit place à la lune. Cet astre, alors dans son plein, paraissait d'une beauté et d'une circonférence extraordinaires aux yeux des femmes, des eunuques et des pages qui brûlaient de voyager. La ville retentissait de cris de joie et de fanfares. On ne voyait que plumes flottantes sur tous les pavillons et qu'aigrettes brillant à la douce clarté de la lune. La grande place ne ressemblait pas mal à un parterre émaillé des plus belles tulipes de l'Orient. Le calife, en habit de cérémonie, s'appuyant sur son vizir et sur Baba Balouk, descendit la grande rampe de la tour. La multitude entière était prosternée, et les chameaux magnifiquement chargés s'agenouillaient devant lui. Ce spectacle était superbe, et le calife lui-même s'arrêta pour l'admirer. Tout était dans un silence respectueux. Il fut pourtant un peu troublé par les cris des eunuques de l'arrière-garde. Ses vigilants serviteurs avaient remarqué que quelques cages à dames penchaient trop d'un côté. Certains gaillards s'y étaient adroitement glissés, mais on les en dénicha bien vite avec de bonnes recommandations aux chirurgiens du sérail. D'aussi petits événements n'interrompirent pas la majesté de cette auguste scène. Batek salua la lune d'un air d'intelligence, et les docteurs de la loi furent scandalisés de cette idolâtrie, ainsi que les vizirs et les grands rassemblés pour jouir des derniers regards de leur souverain. Enfin, les clairons et les trompettes donnèrent, du sommet de la tour, le signal du départ. Quoique parfaitement d'accord, on crut pourtant y remarquer quelques dissonances. C'était Karatis qui chantait des hymnes au Djaour, et dont les négresses et les muets faisaient la basse continue. Les bons musulmans, croyant entendre le bourdonnement de ces insectes nocturnes qui sont de mauvais présages, supplièrent Batek d'avoir soin de sa personne sacrée. On arbore le grand étendard du califat. 20 000 lances brillent à sa suite, et le calife, foulant majestueusement aux pieds les tissus d'or étendus sur son passage, monte en litière aux acclamations de ses sujets. Alors la marche s'ouvrit dans le plus bel ordre, et avec un si grand silence qu'on entendait chanter les cigales dans les buissons de la plaine de Katoul. On fit 6 bonnes lieues avant l'aurore, et l'étoile du matin étincelait encore dans le firmament quand ce nombreux cortège arriva au bord du Tigre, où l'on dressa les tentes pour se reposer le reste de la journée. 3 jours s'écoulèrent de la même manière. Le 4e, le ciel en courroux éclata de 1000 feux. La foudre faisait un fracas épouvantable, et les circassiennes tremblantes embrassaient leur vilain gardien. Le calife commençait à regretter le palais d'essence. Il avait grande envie de se réfugier dans le gros bourg de Goul-Chifar, dont le gouverneur était venu lui offrir des rafraîchissements. Mais, ayant regardé ses tablettes, il se laissa intrépidement mouiller jusqu'aux os, malgré les instances de ses favorites. Son entreprise lui tenait trop à cœur, et ses grandes espérances soutenaient son courage. Bientôt le cortège s'égara. On fit venir les géographes pour savoir où l'on était, mais leurs cartes trempées étaient dans un état aussi piteux que leur personne. D'ailleurs, on n'avait point fait de long voyage depuis Haroun al-Rachid. On ne savait donc plus de quel côté se diriger. Batek, qui avait de grandes connaissances de la situation des corps célestes, ne savait où il en était sur la terre. il grondait plus fort encore que le tonnerre et lâchait quelquefois le mot de potence qui ne flattait pas bien agréablement les oreilles littéraires. Enfin, ne voulant plus suivre que ses idées, il ordonna de traverser les rochers escarpés et de prendre un chemin qu'il croyait devoir le conduire en 4 jours à Rocnabad. On eut beau faire des remontrances, son parti était pris. Les femmes et les eunuques, qui n'avaient jamais rien vu de pareil, frémissaient à l'aspect des gorges des montagnes et faisaient des cris pitoyables en voyant les horribles précipices qui bordaient le sentier rapide où l'on était. La nuit tomba avant que le cortège eût atteint le sommet du plus haut rocher. Alors un vent impétueux mit en pièces les rideaux des palanquins et des cages et laissa les pauvres dames exposées à toutes les fureurs de l'orage. L'obscurité du ciel augmentait la terreur de cette nuit désastreuse. Aussi n'était-ce que miaulement des pages et pleurs des demoiselles. Pour surcroît de malheur, on entendit des rugissements effroyables, et bientôt on aperçut dans l'épaisseur des forêts des yeux flamboyants, qui ne pouvaient être que ceux de diables ou de tigres. Les pionniers qui préparaient le chemin du mieux qu'ils pouvaient, et une partie de l'avant-garde, furent dévorés avant que de pouvoir se reconnaître. La confusion était extrême. Les loups, les tigres et les autres animaux carnassiers, invités par leurs compagnons, accouraient de toutes parts. On entendait partout croquer des os, et dans l'air un épouvantable battement d'ailes, car les vautours commençaient à se mettre de la partie. L'effroi parvint enfin au grand corps de troupes qui entourait le monarque et son sérail, et qui était à 2 lieues de distance. Batek, choyé par ses eunuques, ne s'était encore aperçu de rien. Il était mollement couché sur des coussins de soie dans son ample litière, et pendant que 2 petits pages, plus blancs que l'émail de Franguistan, lui chassaient les mouches, il dormait d'un profond sommeil et voyait briller les trésors de Suleyman dans ses rêves. Les clameurs de ses femmes le réveillèrent en sursaut, et au lieu du djaour avec sa clé d'or, il vit Baba Balouk tout transi et consterné. « Sire, s'écria le fidèle serviteur du plus puissant des monarques, le malheur est à son comble. Les bêtes féroces, qui ne vous respectaient pas plus qu'un âne mort, sont tombées sur vos chameaux. 30 des plus richement chargés ont été dévorés avec leurs conducteurs. Vos boulangers, vos cuisiniers et ceux qui portaient vos provisions de bouche ont éprouvé le même sort. Et si notre saint prophète ne nous protège pas, nous ne mangeons plus de notre vie. » À ce mot de manger, le calife perdit toute contenance. Il hurla et se donna de grands coups. Baba Balouk, voyant que son maître avait tout à fait perdu la tête, se boucha les oreilles pour éviter au moins le tintamarre du sérail. Et comme les ténèbres augmentaient et que la rumeur devenait toujours plus grande, il prit un parti héroïque. « Allons, mesdames et mes confrères, cria-t-il de toutes ses forces, mettons la main à l'œuvre, battons le briquet au plus vite. Il ne sera pas dit que le commandeur des vrais croyants serve de pâture à des animaux infidèles. » Quoiqu'il n'y eût pas mal de capricieuses et de revêches parmi ces belles, toutes furent soumises dans cette occasion. En un clin d'œil, on vit paraître des feux dans toutes les cages. 10 000 flambeaux furent allumés sur le champ, tout le monde s'arme de gros cierges, et le calife lui-même en fait autant. Des étoupes trempées dans l'huile et allumées au bout de longues perches jetaient en éclats que les rochers paraissaient éclairés comme en plein jour. L'air était rempli de tourbillons d'étincelles, et le vent les chassant partout, le feu prit à la fougère et aux broussailles. Dans peu, l'incendie fit des progrès rapides. On vit ramper de toutes parts des serpents au désespoir et qui abandonnaient leur demeure avec des sifflements effroyables. Les chevaux, le nez au vent, hennissaient, battaient du pied et ruaient sans quartier. Une des forêts de cèdres qu'on côtoyait alors s'embrasa, et les branches qui pendaient sur le chemin communiquèrent les flammes aux fines mousselines et aux belles toiles qui couvraient les cages des dames, et elles furent obligées d'en sortir, au hasard, de se rompre le col. Batek, vomissant 1000 blasphèmes, fut forcé, tout comme les autres, de mettre ses pieds sacrés à terre. Jamais rien de pareil n'était arrivé. Les dames qui ne savaient pas se tirer d'affaire tombaient dans la fange, pleines de dépit, de honte et de rage. « Moi, marcher ?» disait l'une. « Moi, mouiller mes pieds ?» disait l'autre. « Moi, salir mes robes ?» s'écriait une troisième. « Exécrable Baba Balouk, disait-elle tout à la fois, « ordure d'enfer, qu'avais-tu besoin de flambeaux ? Plutôt que les tigres nous eussent dévorés, qu'être vus dans l'état où nous sommes, nous voilà perdus pour jamais. Il n'y aura pas de portefeuille dans l'armée, ni de décrotteurs de chameaux qui ne puissent se vanter d'avoir vu une partie de notre corps et qui pisaient nos visages. » En disant ces mots, les plus modestes se jetèrent la face dans les ornières. Celles qui avaient un peu plus de courage en voulurent à Baba Balouk, mais lui, qui les connaissait et qui était fin, s'enfuit à toutes jambes avec ses confrères, en secouant leurs torches et battant des timbales. L'incendie répandit une lumière aussi vive que le soleil au plus beau jour de la canicule, et il faisait chaud à proportion. Oh, comble d'horreur, on voyait le calife embourbé comme un simple mortel. Ses sens commençaient à s'engourdir. Il ne pouvait plus avancer. Une de ces femmes éthiopiennes, car il en avait une grande variété, eut pitié de lui, le prit à bras-corps, le chargea sur ses épaules, et voyant que le feu gagnait de tous côtés, elle partit comme un trait, malgré le poids de son fardeau. Les autres dames, auxquelles le danger avait rendu l'usage de leurs jambes, la suivirent de toutes leurs forces. Les gardes se mirent à galoper après, et les palefreniers faisaient courir les chameaux en se culbutant les uns sur les autres. On arriva enfin au lieu où les bêtes féroces avaient commencé le carnage. Mais elles avaient trop d'esprit pour ne s'être pas retirées au bruit d'un si horrible vacarme, avant, du reste, souper à merveille. Baba Balouk se saisit pourtant de deux ou trois des plus grasses, et qui s'étaient tant remplies qu'elles ne pouvaient plus bouger. Il se mit à les écorcher proprement. Et comme on était déjà assez éloigné de l'embrasement pour que la chaleur n'en fût que médiocre et agréable, on se détermina à s'arrêter dans l'endroit où l'on était. On ramassa les lambeaux d'étoiles peintes, on enterra les débris du repas et des louets des tigres, on se vengea sur quelques douzaines de vautours qui en avaient leur sou, et après avoir fait le dénombrement des chameaux qui préparaient tranquillement du sel ammoniaque, on encagea tant bien que mal les dames et on dressa la tente impériale sur le terrain le moins raboteux. Vatek s'étendit sur ses matelas de duvet et commençait à se refaire des secousses de l'éthiopienne. C'était une rude monture. Le repos ramena son appétit accoutumé. Il demanda à manger. Mais, hélas, ses pains délicats qu'on cuisait dans des fours d'argent pour sa bouche royale, ses gâteaux friands, ses confitures ambrées, ses flacons de vin de Shiraz, ses porcelaines remplies de neige, ses excellents raisins qui croissent sur les bords du Tigre, tout avait disparu. Baba Balouk n'avait à offrir qu'un gros lot rôti, des vautours à la daube, des herbes amères, des champignons vénéneux, des chardons et des racines de mandragore qui ulcéraient la gorge et mettaient la langue en pièces. Pour toute liqueur, il ne possédait que quelques fioles de méchante eau-de-vie que les marmitons avaient cachées dans leurs babouches. On conçoit qu'un repas aussi détestable dut mettre Vatek au désespoir. Il se bouchait le nez et mâchait avec des grimaces affreuses. Cependant, il ne mangea pas mal et s'endormit pour mieux digérer. Pendant ce temps, tous les nuages avaient disparu de dessus l'horizon. Le soleil était ardent et ses rayons réfléchis par les rochers rôtissaient le calife, malgré les rideaux qui l'enveloppaient. Un essaim de moucherons puants et couleur d'absinthe le piquait jusqu'au sang. N'en pouvant plus, il se réveille en sursaut et hors de lui. Il ne savait que devenir et se débattait de toutes ses forces, tandis que Baba Balouk continuait de ronfler, couvert de ces vilains insectes qui lui courtisaient le nez. Les petits pages avaient jeté leurs éventails par terre. Ils étaient à moitié morts et employaient leurs voix expirantes à faire des reproches amers au calife, qui, pour la première fois de sa vie, entendit la vérité. Alors il renouvela ses imprécations contre le Djaour et commença même à dire quelques douceurs à Mahomet. « Où suis-je ? » s'écria-t-il. « Quels sont ces affreux rochers, ces vallées de ténèbres ? Sommes-nous arrivés à l'épouvantable Kaf ? La Simorgue va-t-elle venir me crever les yeux pour venger mon expédition impie ?» En parlant ainsi, il mit la tête à une ouverture du pavillon, mais hélas, quels objets se présentèrent à sa vue. D'un côté, une plaine de sable noir dont on ne voyait point l'extrémité. De l'autre, des rochers perpendiculaires tout couverts de ces abominables chardons qui le faisaient encore cuire la langue. Il crut pourtant découvrir parmi les ronces et les épines quelques fleurs gigantesques. Il se trompait. Ce n'étaient que des morceaux de toile peinte et des lambeaux de son magnifique cortège. Comme il y avait plusieurs crevasses dans le roc, Vatek prêta l'oreille, dans l'espoir d'y entendre le bruit de quelques torrents. Mais il n'entendit que le sourd murmure de gens qui, en maudissant leur voyage, demandaient de l'eau. Il y en avait même qui criaient auprès de lui. « Pourquoi avons-nous été conduits ici? Notre calife a-t-il quelque autre tour à bâtir? Ou est-ce que les Afrides impitoyables que Karatis aime tant font ici leur demeure ?» À ce nom de Karatis, Vatek se ressouvint de certaines tablettes qu'elle lui avait données, en lui conseillant d'y avoir recours dans les cas désespérés. Pendant qu'il les feuilletait, il entendit un cri de joie et des battements de mains. Les rideaux du pavillon s'ouvrirent, et il vit Baba Balouk suivi d'une troupe de ses favorites. Il lui amenait deux nains d'une coudée de haut, portant une grande corbeille remplie de melons, d'oranges et de grenades, et qui chantait d'une voix argentine les paroles suivantes. Nous habitons sur la cime de ces rochers une cabane tissue de cannes et de joncs. Les aigles nous envient notre séjour. Une petite source nous y fournit de quoi faire l'abdeste, et jamais un jour ne se passe sans que nous récitions les prières prescrites par notre saint prophète. Nous vous chérissons, ô commandeur des fidèles. Notre maître, le bon émir Fakreddin, vous chérit aussi. Il révère en vous le vicaire de Mahomet. Tout petit que nous sommes, il a de la confiance en nous. Il sait que nos cœurs sont aussi bons que nos corps sont méprisables, et il nous a placés ici pour secourir ceux qui s'égarent dans ces tristes montagnes. Nous étions, la nuit dernière, occupés dans notre petite cellule de la lecture du Saint-Coran, lorsque les vents impétueux ont éteint tout à coup nos lumières et fait trembler notre habitation. 2 heures se sont écoulées dans les plus profondes ténèbres. Alors nous entendîmes au loin des sons que nous avons pris pour ceux des clochettes d'un kafila qui traversait les rocs. Bientôt des cris, des rugissements et le son des timbales ont frappé nos oreilles. Glacés d'effroi, nous avons pensé que le Dégial, avec ses anges exterminateurs, venait répandre ses fléaux sur la terre. Au milieu de ces réflexions, des flammes couleur de sang se sont élevées sur l'horizon, et quelques moments après, nous fûmes tout couverts d'étincelles. Hors de nous-mêmes à ce spectacle effrayant, nous nous sommes agenouillés. Nous avons ouvert le livre dicté par les bienheureuses intelligences, et à la clarté des feux qui nous entouraient, nous avons lu le verset qui dit « On ne doit mettre sa confiance qu'en la miséricorde du ciel. Il n'y a de ressources que dans le saint prophète. La montagne de Kaf elle-même peut trembler. La puissance d'Allah est seule inébranlable. » Après avoir prononcé ces paroles, un calme céleste s'est emparé de nos âmes. Il s'est fait un profond silence, et nos oreilles ont distinctement ouï dans l'air une voix qui disait « Serviteur de mon serviteur fidèle, mettez vos sandales et descendez dans l'heureuse vallée qu'habite Fakreddin. Dites-lui qu'une occasion illustre se présente pour satisfaire la soif de son cœur hospitalier. C'est le commandeur des vrais croyants qui erre lui-même dans ces montagnes. Il faut le secourir. » Joyeusement, nous avons obéi à l'angélique mission, et notre maître, plein d'un zèle pieux, accueille de ses propres mains ses melons, ses oranges, ses grenades. Il nous suit avec 100 dromadaires chargés des eaux les plus limpides de ses fontaines. Il vient baiser la frange de votre robe sacrée et vous supplie d'entrer dans son humble demeure qui est enchâssée dans ses déserts arides comme une émeraude dans le plomb. » Les nains, après avoir parlé ainsi, restèrent debout les mains croisées sur l'estomac et dans un profond silence. Pendant cette belle harangue, Vatek s'était saisi de la corbeille et longtemps avant qu'elle fût finie, les fruits s'étaient fondus dans sa bouche. À mesure qu'il les mangeait, il devenait pieux, récitait ses prières et demandait en même temps l'Alcoran et du sucre. Il était dans ces dispositions quand les tablettes qu'il avait posées à l'apparition des nains lui donnèrent dans la vue. Il les reprit, mais il pensa tomber de son haut, en y voyant en grand caractère rouge, tracé par la main de Caratis, ces paroles qui étaient d'un à propos à faire trembler. « Garde-toi bien des vieux docteurs et de leurs petits messagers qui n'ont qu'une coudée. Méfie-toi de leurs supercheries pieuses. Au lieu de manger leurs melons, il faut les mettre eux-mêmes à la broche. Si tu es assez faible pour entrer chez eux, la porte du palais souterrain se fermera et son mouvement te mettra en lambeaux. On crachera sur ton corps, les chauves-souris feront leur nid de ton ventre. » « Que signifie ce galimatien épouvantable ? » s'écria le calife. « Faut-il que j'expire de soif dans ces déserts de sable, pendant que je puis me rafraîchir dans l'heureuse vallée des melons et des concombres ? Que maudit soit le Djaour avec son portail d'ébène ! Il m'a fait assez morfondre. D'ailleurs, qui me donnera des lois ? Je ne dois entrer chez personne, dit-on. Eh ! Puis-je entrer dans quelque lieu qui ne m'appartienne ? » Baba Balouk, qui ne perdait pas une parole de ce soliloque, y applaudissait de tout son cœur, et toutes les dames furent de son avis, ce qui jusqu'alors n'était pas arrivé. On fêta les nains, on les caressa, on les mit bien proprement sur de petits carreaux de satin, on admira la symétrie de leurs petits corps, on voulait tout voir, on leur présenta des breloques et du bonbon, mais ils refusèrent tout avec une gravité admirable. Ils grimpèrent sur l'estrade du calife, et se plaçant sur ses épaules, ils lui bourdonnèrent des prières dans les deux oreilles. Leur petite langue allait comme les feuilles du tremble, et la patience de Batek touchait à sa fin, quand les acclamations des troupes annoncèrent l'arrivée de Fakhreddin avec 100 barbons, autant d'Alcoran et autant de dromadaires. On se mit vite aux ablutions et à réciter le Bismillah. Batek se débarrassa de ses importants moniteurs et en fit de même, car il avait les mains brûlantes. Le bon émir, qui était religieux à toute outrance et grand complimenteur, fit une harangue 5 fois plus longue et 5 fois moins intéressante que celle de ses petits précurseurs. Le calife, n'y pouvant plus tenir, s'écria « Pour l'amour de Mahomet, finissons, mon cher Fakhreddin, et allons dans votre verte vallée manger les beaux fruits dont le ciel vous a fait présent. » Sur ce mot d'allons, on se mit en marche. Les vieillards allaient un peu lentement, mais Batek, sous main, avait ordonné au petit page d'éperonner les dromadaires. Les cabrioles que ces animaux faisaient et l'embarras de leurs cavaliers octogénaires étaient si plaisants qu'on n'entendait qu'éclats de rire dans toutes les cages. On descendit pourtant heureusement dans la vallée par de grands escaliers que l'émir avait fait pratiquer dans le roc, et déjà on commençait à entendre le murmure des ruisseaux et le frémissement des feuilles. Le cortège enfila bientôt un sentier bordé d'arbustes fleuris qui aboutissait à un grand bois de palmiers dont les branches ombrageaient un vaste bâtiment de pierre de taille. Cet édifice était couronné de 9 dômes et orné d'autant de portails de bronze sur lesquels les mots suivants étaient gravés en émail. C'est ici l'asile des pèlerins, le refuge des voyageurs et le dépôt des secrets de tous les pays du monde. 9 pages, beaux comme le jour et décemment vêtus de longues robes de lin d'Égypte, se tenaient à chaque porte. Ils reçurent la procession d'un air ouvert et caressant. 4 des plus aimables placèrent le calife sur un tectravant magnifique. 4 autres, un peu moins gracieux, se chargèrent de Baba Balouk, qui tressaillait de joie en voyant l'heureux gîte qu'il devait avoir. Le reste du train fut soigné par les autres pages. Quand tout ce qui était mal eut disparu, la porte d'une grande enceinte qu'on voyait à droite tourna sur ses gonds harmonieux, et il en sortit une jeune personne d'une taille légère, et dont la chevelure d'un blond cendré flottait au gré des zéphyrs du crépuscule. Une troupe de filles, semblables aux Pléiades, la suivait sur la pointe des pieds. Elles accoururent toutes au pavillon où étaient les sultanes, et la demoiselle, s'inclinant avec grâce, leur dit « Mes charmantes princesses, on vous attend. Nous avons dressé des lits de repos et jonché vos appartements de jasmin. Nul insecte n'écartera le sommeil de vos paupières. Nous les chasserons avec 1 million de plumes. Venez donc, aimable dame, rafraîchir vos pieds délicats et vos membres d'ivoire dans les bains d'eau de rose. Et à la douce lueur des lampes parfumées, nos servantes vous feront des comptes. » Les sultanes acceptèrent avec grand plaisir ces offres obligeantes et suivirent la demoiselle dans le harem de l'émir. Mais il faut les quitter un moment pour retourner au calife.